bien. Que si tu veux que je te dise, y'a plus rien à faire, je suis viré à l'envers. J'aimerais m'enfuir, mais jamais prise. Seigneur, Seigneur, que si tu veux que je te dise, son indifférence m'arrache la pince, puis je pense plus rien qu'à mourir. Mon rôle à la vie n'est pas encore défini, pourtant je m'efforce pour qu'il soit accompli. Je sais, faut tout déjà commence, mais Seigneur, j'ai pas envie. Seigneur, Seigneur, je sais, tu me l'avais dit. Respecte ton prochain, réfléchis à demain, car la patience t'apportera de belles récompenses. Travaille avec entrain pour soulager la faim de la femme qui t'aime, il en a de besoin. Il a besoin d'un homme fidèle qui sait en prendre soin. Profiter de ma faiblesse pour me faire visiter l'enfer. Mais je t'en veux pas, c'est moi qui a pensé que je pourrais une chambre avec toi. Mais je m'ai bien fait avoir mon chien Lucifer. Souffrance.